Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 20 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Éperviers de Normandin qui ont éliminé hier la formation des Saguenay de Chicoutimi. Donc, les Éperviers qui l'ont emporté à Chicoutimi hier par la marque de 7 à 3. Donc, la série se termine en 5 matchs. Et puisqu'il est question d'une équipe de Normandin, ben la polyvalente de Normandin a remporté le tournoi régional de basketball qui se déroulait à l'école secondaire des Grandes Marées dimanche à La Baie. L'équipe de François Paulvin l'a emporté 54-42 contre la polyvalente Charles Gravel. Auparavant, ils avaient éliminé la Grande Marée 47-21. François Potvin, qui est l'instructeur de cette formation, admet quand même qu'il ne savait pas trop à quoi s'attendre lorsqu'il a lancé le programme l'an dernier. Oui, en effet, c'est sûr qu'il y avait des bonnes bases du mini-basket. Là. Alors, on avait il y avait du mini-basket implanté dans certaines écoles, dont l'école secondaire d'Albanel là, avec Dominique Saint-Pierre, là, qui a amené un noyau de joueurs là, qui avaient déjà goûté à ça un peu. Après ça, là, on a juste mis l'épaule à la roue, on a travaillé. Les jeunes ont tellement travaillé fort, là, c'est ça qui a permis aussi, en si peu de temps, là, d'avancer à cette vitesse-là. François Potvin explique qu'il espère que ça va faciliter le recrutement à compter de l'an prochain. C'est à nous de le publiciser un peu. Puis, les jeunes sont fiers. Après ça, les ceux qui sont en arrière, ils peuvent voir aussi que c'est le fun de jouer au basket. On est capable de rivaliser. On est capable d'être dans. On a beau être à Normandie, on a beau être à l'autre bout du lac Saint-Jean. Les jeunes ont le même âge, les jeunes ont les mêmes capacités physiques, c'est juste à eux à se développer en conséquence. Là. Fait qu'on est calibre à compétitionner sans aucun. La formation de l'équipe de Zachary Gagnon de Dolbeau-Mistassini était en fin de semaine à Val d'Or dans un tournoi provincial pour se qualifier pour le championnat canadien. Et ça a quand même été coussi-coussa pour la formation de Zachary Gagnon. Ils ont gagné contre Gatineau, Lennoxville et Kenogami avant de perdre contre Val d'Or et Laval. Donc, ils ont terminé au quatrième rang dans leur catégorie. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City. Laurent Duvernay-Tardif qui était de passage dans la région. Également, je me suis entretenu aussi avec Alexandre Gauthier où on fait le bilan du marché des agents libres dans la Ligue nationale de football. Et vous pouvez également écouter aussi Caroline Truchon qui nous fait un compte-rendu du championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui a lieu récemment à Montréal. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, on s'en occupe.